un bouchon de brume venu du large abordait la côte. Il n'avait été qu'un petit rideau effiloché sur la mer, errant, capable à peine de cacher un îlot rocheux. Un ruisseau de vent venait de le saisir, de le brasser et le déposer vertigineusement sur la baie, tassé, opaque. En un moment, Philippe, noyé de brume, vit disparaître la mer, la plage et la maison, et tout ça dans un bain de vapeur. Habitué au prodige d'un climat marin, il attendit qu'un autre bras de vent dissipât celui-ci et s'accommoda de ses limbes, de cette cécité symbolique au fond desquelles brillait un calme visage, rejeté hors des cheveux comme une lune pure, et des mains oisives qui ne faisaient presque aucun geste. Elle est immobile. Mais qu'elle me rende à moi le cours du temps, la hâte, l'impatience, la curiosité. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je lui en veux. Il s'essayait à la révolte et à l'ingratitude. Un enfant de 16 ans et demi ignore qu'un ordre impénétrable place, sur la route de ceux dont l'amour méritait de faire des amants trop pressés de vivre et impatients de mourir, de belles missionnaires lourdes d'un poids de chair qui arrête le temps, endort et contente l'esprit et conseille au corps de mûrir dans son ombre. Le bouchon de brume se retira soudain, aspiré en l'air, comme un drap qu'on lève du pré, en laissant une frange d'eau éphémère à chaque glaive d'herbe, une rosée de perles aux feuilles pelucheuses, un vernis humide aux feuilles glabres. Le soleil de septembre versa une jaune lumière nette et rajeunie sur la mer, bleue au loin, verdie au bord par les sables immergés. Philippe respira, après le passage de la brume marine, avec le plaisir de surgir, baigné d'air et de clarté, hors d'un couloir étouffant. Il se tourna vers la terre pour voir ruisseler, entre les failles des rochers, l'or des ajoncs refleuris, et tressaillit de trouver derrière lui, comme un esprit apporté et oublié par la brume, un petit garçon silencieux. « Qu'est-ce que tu veux, petit ? Tu n'es pas le garçon de la Cancalaise qui nous vend du poisson ?»« Si ! » dit le petit. « Il n'y a personne à la cuisine ? Tu cherches quelqu'un ?» Le petit garçon secoua la poussière de ses cheveux roux. « C'est la dame qui m'a dit... »« Quelle dame ?»« Elle m'a dit, tu diras à Monsieur Phil que je suis partie. »« Quelle dame ?»« Je ne sais pas. »« Elle m'a dit, tu diras à Monsieur Phil que je suis forcée de partir aujourd'hui. »« Où t'a-t-elle dit ça ? Sur la route ?»« Oui, dans son auto. »« Dans son auto ?» Philippe ferma un moment les yeux, passa la main sur son front en sifflotant avec emphase « Dans son auto, parfaitement !» Il rouvrit les yeux, chercha le messager qu'il ne trouva plus à sa place, et il crut à un de ses rêves brefs, esquissés crûment, brutalement effacés, qu'enfante la sieste d'après-midi. Mais il aperçut, sur un sentier de falaise, l'enfant maléfique qui montrait, en s'éloignant, son chaume de cheveux et une pièce bleuâtre carrée à sa culotte. Philippe prit un air sot et avantageux, comme si le garçonnet de Cancale eût pu le voir encore. « Ben, ça n'y change pas grand-chose qu'elle soit partie. Un jour plus tôt, un jour plus tard, puisqu'elle devait partir. » Mais un mal étrange, presque tout physique, naissait en lui au niveau de l'estomac. Il laissa croître son mal en penchant la tête intelligemment et comme s'il eût écouté un conseil mystérieux. Peut-être qu'avec une bicyclette. Mais si elle n'est pas seule, je n'ai pas pensé à demander au gosse si elle était seule. Une automobile lointaine corna sur la route de côte. Le ton grave et soutenu suspendit un moment après, comme la crampe d'un swing placé bas. Au moins, je n'ai plus besoin de me demander si j'irai ce soir chez elle. Il imagina soudain la villa Kerana fermée sous la lune, les volets gris, la grille noire, les géraniums prisonniers et frissonna. Il se coucha dans un pli du pré sec, roulé sur lui-même à la manière des jeunes chiens de chasse qui souffrent de la maladie, et il commença à gratter l'herbe sableuse d'un mouvement régulier de ses deux pieds. Il ferma les yeux, car la course des gros nuages, leur blanc épais et ballonné, le soulevait d'une nausée légère. Il grattait rythmiquement le pré et chantonnait en mesure. Ainsi, la femme qui souffre pour mettre au monde son fruit le berce et geint un geignement progressif jusqu'au grand cri. Philippe ouvrit les yeux. S'étonna, reprit ses sens. Mais qu'est-ce que j'ai? Je le savais bien qu'elle devait partir avant nous. J'ai son adresse à Paris, son numéro de téléphone. Et puis qu'est-ce que ça me fait qu'elle parte? C'est ma maîtresse, ce n'est pas mon amour. Je puis vivre sans elle. Il s'assit et caussa le long des lances d'herbe les chapelets d'escargots grimpeurs dont les vaches sont friandes. Il s'exerça au rire et à la grossièreté. Elle part, bon. Elle n'est peut-être pas seule, cette femme. Elle ne s'est pas amusée à me raconter ses petites affaires, n'est-ce pas? Bon, seule ou pas seule, elle part. J'y perds. Quoi? Une nuit, la prochaine? Une nuit avant mon départ. Une nuit que je n'étais même pas sûre de désirer tout à l'heure. Je ne songeais qu'à 20 cas. On se passera d'une nuit agréable, voilà. Mais une sorte de souffle passa dans son esprit, balaya le vocabulaire d'enfant de troupe, la fausse assurance, le ricanement intérieur, ne laissa qu'une surface mentale nue, refroidie, une conscience nette de ce que représentait le départ de Camille Dalleray. Ah, elle est partie. Elle est partie hors d'atteinte, la femme qui m'a donné... Comment appeler ce qu'elle m'a donné? D'aucun nom. Elle m'a donné. Depuis le temps où j'ai cessé d'être le petit enfant que Noël enchante, elle seule m'a donné. Donné. Elle seule pouvait reprendre. Elle a repris. La rougeur monta à sa figure brune. Une eau piquante mouilla ses yeux. Il ouvrit son vêtement sur sa poitrine, fouilla des 10 doigts sa chevelure, se rendit pareil à un furieux qui sort d'un pugilat, haleta, et cria tout haut d'une rauque voix enfantine « C'est cette nuit-là que je voulais, justement !» Il tendit son visage, son torse appuyé sur ses poings, son regard vers Karana invisible. Déjà, un amas de nimbus, occupant le sud du ciel, accablait ce sommet de collines désertées. Et Philippe accepta qu'une malice toute puissante supprima jusqu'au point du monde où il avait connu Camille Dalleray. Quelqu'un toussa, à quelques pieds au-dessous de lui, sur ce sentier de sable fondant où les pierres plates et les rondins de bois, 20 fois assujettis en escalier rustique, roulaient 20 fois l'année sur la plage. Philippe vit paraître au ras du pré et monter lentement une tête grisonnante. Avec la virtuosité dissimulatrice qui appartient à tous les enfants, il ravala son désordre, sa fureur d'homme trahi, et attendit, muet, paisible, le passage de son père. « Te voilà, petit gars ?»« Oui, papa. »« Tu es seul ?»« Et 20 cas ?»« Je ne sais pas, papa. » Presque sans effort, Phil maintenait sur son visage son masque avenant, éveillé de petit garçon brun. Son père devant lui ressemblait à son père de tous les jours. Une apparence humaine agréable, un peu cotonneuse, à contours flous, comme toutes les créatures terrestres qui ne se nommaient ni Vinca, ni Philippe, ni Camille Dalleray. Phil attendit patiemment que son père eût repris haleine. « Tu n'as pas pêché, papa ? » « Penses-tu ? Je me suis promenée. » Il y a le Kérec qui a pris une pieuvre. Tiens, tu vois ma canne? Voilà la longueur de ses bras. C'est remarquable. Lisette en pousserait des cris. Faites attention tout de même en vous baignant. Oh, tu sais, papa, ce n'est pas dangereux. Philippe se rendit compte qu'il avait protesté sur un ton trop haut et faux de gaminerie. Les yeux gris saillants de son père interrogèrent les siens. Il supporta mal un regard qui lui parut net, dévoilé, nettoyé de la buée isolante et protectrice derrière laquelle vivent, au milieu de leurs parents, les fils pleins de secrets. Ça t'ennuie, petit gars, ce départ ? Ce départ ? Mais papa... Oui. Si tu es comme moi, ça t'ennuiera un peu plus tous les ans. Le pays, la maison. Et puis les ferrets. Tu verras comme c'est rare des amis avec qui on passe l'été tous les ans sans se faire de mal. Jouis de ton reste, petit gars. Encore 2 jours de bon temps, il y en a de plus malheureux que toi.